kinte ba yembie mama. Tenu kinte ba binye mama. Tenu kinte ba kumisye mama. L'émancipation de la femme congolaise. Salaka mama, tenu kinde pa yembie biboso, tenu kinde babinye mama, tenu kinde bakumisye mama, Eliseo, oh yele oh, yo mami ye, oh yele oh, Emilie ye, oh yele oh, yo Yvonne. Mama, oh yele oh, yo Liliane, oh yele oh, yo Astrid, oh yele oh, c'est vrai hein? Ouéko. Maman Nangai. Et c'est là qui s'enzé à Bonico. Mosala toko salaka mama, tenu kinde ba yembie mama, tenu kinde ba binye mama, tenu kinde ba kumisye mama. Oh, yeah, no. Yo te sueño.